الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا باتخاذ الأسباب ووعدنا على ذلك جزيل الثواب وصلى الله وسلم على النبي الأواب الناطق بالصواب وعلى آله والأصحاب أما بعد أيها الأحباب إننا قد نسمع بعض الشباب يعزفون عن العمل ويتواكلون وهم في مقتبل العمر وهم عماد الأمة وحينما تسأل الواحد منهم يقول لا حاجة لي بالعمل الدولة تعينني أريد أن أتفرغ للعبادة والعمر يمر فما يقول الإسلام في هذا mes chers sœurs en discussion avec certains jeunes je leur demande ce qu'ils font dans la vie. Ils me disent qu'ils ne travaillent pas et ne veulent pas travailler. Ils ne travaillent pas et ne veulent pas travailler. Et quand je leur pose la question du pourquoi, ils me répondent tout simplement qu'ils reçoivent déjà des aides de l'État, que ça leur suffit. Et qu'ils se préservent ou qu'ils se réservent à l'adoration d'Allah. Bon. Que dit notre religion sur ce fléau qui commence à toucher beaucoup de nos jeunes, qui versent dans l'oisiveté? Que dit notre religion? Pour qu'on prenne tous nos responsabilités. Et qu'on ne mette pas sur le dos de la religion ce dont elle n'est pas responsable. يقول الحق عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويقول عز من قائل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالعمل في الحديث إن الله يحب العبد المؤمن الممتهن أي الذي له مهنة وفي الحديث الصحيح كذلك المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ويقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وكذلك في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين كلوا من الطيبات واعملوا صالحا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وإن من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا السعي على العيال ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا حقيقة التوكل العمل عبادة يؤدي بها المرء واجبه الديني واجبه الدنيوي. Mes chers frères, mes chers sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran déjà, œuvrez, car Allah, son prophète, et les croyants verront ce que vous faites. Et puis vous retournerez vers Allah, il vous exposera ce que vous avez fait. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans la sourate du vendredi, et puis quand la prière se termine, dispersez-vous sur terre. On recherche des bienfaits d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths nous encourage à travailler. Et nous informe que nous avons les mérites d'Allah, hasanat, lorsqu'on fait l'effort, l'jid ou l'ijtihad. Et qu'on est dans le péché lorsqu'on verse dans l'oisiveté. L'oisiveté est mère de tous les vices. L'oisiveté est la porte du diable pour vous emmener dans les chemins déviants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il aime, Allah tabaraka wa ta'ala aime le serviteur qui a un métier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les prophètes qui sont les meilleurs des créatures avaient un travail. Sayyidina Daoud, il nous rappelle qu'il mangeait du fruit de ses mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également qu'Allah tabaraka wa ta'ala rétribue celui qui se lève le matin pour aller chercher de quoi subvenir à ses besoins et aux besoins de ceux qui sont à sa charge. Pire encore, dans le hadith, il dit il suffit de l'homme comme péché d'abandonner ceux qui sont à sa charge. Le prophète nous rappelle cette responsabilité par rapport à ceux qui sont à notre charge. Et qu'on sera questionné sur cette responsabilité au jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous rappelle qu'Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon, c'est-à-dire licite. Le travail doit être licite. Et que nous sommes justement, quand on travaille, dans une adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Ja'far disait à ce sujet-là, lorsque le serviteur fait son effort pour travailler et nourrir les siens et être généreux envers son voisin, il rencontrera Allah avec un visage comme la pleine lune. Comme la pleine lune. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé à Allah que le croyant faible. Le croyant fort, c'est celui qui est utile, qui a une valeur ajoutée dans sa société, pour sa umma et même au-delà de sa umma. Le croyant faible, c'est celui qui veut rester au crochet de la société, qui cède à l'oisiveté. Sans raison valable. Et justement, attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde et nous dit, dans le hadith rapporté authentiquement par Muslim, celui qui se livre à la mendicité, écoutez bien, celui qui se livre à la mendicité pour accroître ses biens, c'est-à-dire sans raison valable, sans qu'il soit vraiment dans le besoin, pour accroître ses biens, alors il est en train de prendre des braises de l'enfer. Qita'an min an-nar. Qu'il prenne peu ou qu'il prenne beaucoup. C'est à lui de choisir. Des braises de l'enfer. Donc nous devons faire très attention. Nous devons garder cette dignité pour être indépendant et pour peser, avoir un poids économique. Il y a beaucoup d'histoires sur cette question de la supériorité de l'adorateur travailleur sur l'adorateur qui cède à l'oisiveté ou qui croit qu'il faut se livrer uniquement et se consacrer uniquement à l'adoration d'Allah. Il n'y a pas de rahbaniya dans cette religion. Un jour, un homme, un jeune homme, bien portant, est venu voir le prophète Sama, frapper à sa porte pour demander de l'aide. Le prophète Sama a vu que cet homme était bien portant. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Est-ce que tu as quelque chose chez toi? Cet homme répondit au prophète, j'ai un récipient pour boire et une couverture pour me couvrir. C'est tout ce que j'ai. Le prophète Sama, écoutez bien, il lui dit, rapporte ce que tu as. Rapporte-moi ce que tu as. Il rapporte ce récipient et cette couverture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le marché, il a dit, qui m'achète ça? Un homme a donné un dirham. Le dirham de l'époque, ce n'est pas le dirham de maintenant. Le dirham de l'époque valait beaucoup plus, parce qu'il était en or. Puis un autre a proposé deux dirhams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vendu cela à deux dirhams. Il a donné à ce jeune, lui a dit, voilà un dirham pour nourrir ta famille, et avec l'autre dirham, tu vas acheter une pioche et tu vas revenir me voir. Et l'éducateur, Sayyidina Muhammad, comment il fait notre modèle? Il est revenu voir le prophète avec la pioche. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui ordonne alors d'aller couper du bois. Il lui donne rendez-vous dans 2 semaines. 15 jours plus tard, l'homme revient avec 10 dirhams. Alhamdulillah, son commerce a fructifié. Et le prophète sallam fait solennellement le prêt suivant. Il dit, ceci est meilleur que de venir à Allah tabaraka wa ta'ala avec une marque sur le visage. Parce que vous êtes dans la manche ou la mendicité. C'est très important. La leçon que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous donner, c'est travailler, prenez de la peine. Et il y a plein d'histoires comme ça. Sayyidina Omar disait, le ciel ne pleut ni or ni argent. Inna sama'a la tumtiru dhahaban wa la fidda. Le vrai tawakkul, la vraie remise confiante à Allah, c'est pas le tawakkul. C'est le fait de prendre les causes licites, faire ce qu'il faut nous, et Allah tabaraka wa ta'ala qui razaq va justement t'aider et te soutenir, c'est sûr et certain. Mais il faut l'effort de ta part. Tu ne peux pas rester chez toi à ne rien faire et croire que le travail va frapper à ta porte ou les recruteurs vont frapper à ta porte. Il faut un effort. C'est une évidence. Rappelez-vous du hadith où le prophète Sema, quand le bédouin lui demande est-ce qu'il attache son chameau ou est-ce qu'il fait le tawakkul, parce qu'il n'avait pas compris ce que ça veut dire le tawakkul. Il dit attache ton chameau et fais le tawakkul. C'est-à-dire l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Le tawakkul vrai, c'est de réaliser les causes licites et possibles. Attache ton chameau et remets ta confiance à Allah. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Bien au contraire, le tawakkul, c'est d'abord agir avec les causes. C'est d'abord faire tout ce qui est dans notre possible bien sûr, et ce qui est licite, pour pouvoir arriver au but. Et aussi, lorsque il a dû arbitrer entre 2 frères, l'un qui était simple adorateur et l'autre qui travaillait et subvenait aux besoins des deux, il disait, Akhouka abadu mink, ton frère est plus adorateur que toi. Pourquoi? Parce qu'il travaille et prend en charge son frère. C'est-à-dire, l'islam veut nous envoyer un message très clair. L'oisiveté ne fait pas partie de cette religion. C'est une religion d'effort, ijtihad, kad. Et quand je dis ça, pour terminer, je ne dis pas qu'il faut adorer le travail. Attention. حينما أقول أن العمل عبادة هذا ليس معناه أن نعبد العمل ونصير عبدا للعمل فنترك الصلاة ونترك الواجبات. الوسط والاعتدال في كل شيء. Quand je dis que le travail est une adoration, je répète, ça ne veut pas dire qu'on adore le travail. Qu'on va tellement être noyé dans le travail et se laisser aller par ce travail jusqu'à oublier nos obligations culturelles et comportementales. Jusqu'à délaisser nos enfants, par exemple. Nos familles. Non. Ça, c'est pas un travail. Ça, c'est de l'esclavage. Donc, tout dans la mesure, tout dans le juste milieu. Et il faut toujours croire de façon certaine que c'est Allah qui assure votre subsistance. Ar-Razzaq, il s'est appelé Ar-Razzaq. Inna Allah huwa Ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Donc aucune inquiétude, mais il faut faire l'effort. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, ceux qui veulent des mérites sans le travail, ils se trompent. Ils sont en train d'avoir une mauvaise compréhension et dans le même temps, ils donnent une mauvaise image de leur religion par cette oisiveté et par ce fainéantisme et cette paresse. Et le prophète, pour terminer, il demandait protection à Allah tabaraka wa ta'ala contre justement la paresse. Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal, nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala lana wa lakum al-hidayata war-rashad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الواحد بلا عدد، الحمد لله رافع السماء بلا عمد، الحمد لله لم يولد ولم يلد، الصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. أما بعد، إخوة الإيمان، إذا تبين لنا فضيلة العمل وأنه عبادة وأنه ترقية وتزكية وغفران للذنوب وطاعة للحق عز وجل كما أمر، وأنه لا بد أن يكون من حلال، لأن الله لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنك تدخل على عيالك الحلال، وأنك إذا أدخلت عليهم الحرام كان خرابا، كان خراب. Si on a compris, mes chers frères, mes chères sœurs, la valeur du travail, et qu'il est une élévation, qu'il est un épanouissement, et que Allah tabaraka wa ta'ala rétribue le travailleur amplement, en plus de la rétribution matérielle que vous percevez. Et à ce titre, je rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les personnes contre qui, ou avec qui je serai l'adversaire, khasm, c'est une personne qui a fait travailler un salarié, qui a fait convenablement le travail et qui ne l'a pas rémunéré. Donc faites très attention. Donc quand je fais le travail, le prophète nous dit également qu'il faut perfectionner le travail. Itqan, excellence. Il faut faire ce travail avec excellence. Man rashana fa laysa minna. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Et donc c'est très important d'exceller dans ce travail parce qu'on le fait d'abord et avant tout pour Allah, pour plaire à Allah. Donc au-delà de la rétribution salariale, matérielle que vous percevez, si c'est un travail halal et s'il est fait avec excellence, il faut savoir que Allah tabaraka wa ta'ala vous rétribue pour cela. Vous sentez une certaine lumière, une certaine bénédiction, un certain soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala quand vous revenez chez vous le soir. Très important. Et donc il faut continuer dans cette adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme j'ai dit, il faut qu'il soit halal. Parce que le haram détruit. Ceux qui croient accroître leur bien par le haram, malheureusement, ils doivent savoir que le haram détruit, anéantit. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte que le halal. Même il y a une rupture quand il y a le haram qui tombe, même s'il est peu. Même s'il est peu, il suit tout. Et vous n'êtes plus accepté par Allah tabaraka wa ta'ala. Atib mat'amak takun mustajab al-da'wa. Et enfin, pourquoi je parlais du travail, de sa valeur, du fait qu'il doit être licite, qu'il doit être halal, licite, et qu'on doit exceller dans ce travail, on ne doit pas tricher, parce que le prophète nous a dit, on se désavoue du tricheur. Pour la simple et bonne raison que nous avons aujourd'hui quelques personnes qui osent, pas seulement ne pas travailler, mais faire des travaux en noir et faire des fausses déclarations pour abuser des aides sociales et prendre ces aides sociales injustement. Injustement. Pas seulement ils versent dans l'oisiveté, pas seulement ils refusent de travailler, pas seulement ils sont au crochet de la société, mais en plus, ils fraudent. Et quand j'ai posé la question à certains d'entre eux qui sont avec qui j'ai discuté, ils ont dit « Oui, mais... C'est l'argent de l'État, c'est ça me permet d'adorer Allah. Tu adores Allah avec le haram? Et tu crois qu'Allah va t'accepter? Tu adores Allah avec le haram? Alors, je vais vous dire en quelques secondes en quoi ça consiste. Quand vous cotisez, les travailleurs cotisent, moi, vous, tous les travailleurs cotisent. Ça s'appelle une caisse mutuelle. Elle existait déjà en Andalousie musulmane. Ce n'est pas une nouvelle innovation. C'est une caisse solidaire. Elle est faite de vos cotisations. Pourquoi on l'appelle solidaire? Parce que quand quelqu'un est dans le besoin et qu'il avait travaillé, on lui verse de cette caisse. On lui verse de cette caisse. Donc il y a sa cotisation à lui s'il avait travaillé et les cotisations des autres de la communauté. C'est une espèce de mutuelle. Quand vous ne méritez pas, quand je dis bien quand vous ne méritez pas cette aide sociale, qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre de l'argent des autres, de l'argent des autres, de la communauté, des autres contribuables. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, vous commettez trois péchés graves. Le kadhib, le mensonge. Et on sait que le mensonge est haram, sauf dans trois cas, ce cas ne faisant pas partie. Vous commettez la triche et le vol, et on sait que c'est haram aussi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de frauder, nous a interdit de tricher, et il nous dit, celui qui triche, on se désavoue de lui, man rachana fa laysa minna. Tricher, tu écris des choses qui n'existent pas dans ta déclaration. Tu penses que c'est normal? Tu penses qu'Allah ne te voit pas? Même si l'administration fiscale, tu vas la berner. Est-ce que tu penses tromper Allah? Tu ne peux pas tromper Allah. Et troisièmement, le plus grave, tasriq. Tu es en train de voler de l'argent qui ne t'appartient pas, que tu ne mérites pas. Donc c'est trois péchés graves que cette personne commet. Mensonge, triche et fraude, et vol. Qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pire dans tout cela, c'est que vous avez des gens qui vous donnent des fatwas dans ce sens. C'est encore pire ça. Quand vous avez des gens qui vous donnent des fatwas pour frauder, voler et tricher, c'est des gens qui mentent sur Allah et sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا وَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Celui qui ment sur moi volontairement, qui s'attend à sa place en enfer. Donc arrêtons de jouer avec le feu. Craignons Allah, tabaraka wa ta'ala. Ne prenons pas ce qui ne nous appartient pas. C'est du vol, couplé avec du mensonge et de la triche. C'est très clair. Et je ne suis pas le seul à dire ça. Tous les savants sont unanimes pour considérer la fraude, la triche et le vol comme haram, que ce soit vis-à-vis des musulmans ou vis-à-vis des non-musulmans. Les péchés, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'ils soient commis vis-à-vis du musulman ou vis-à-vis des non-musulmans, c'est un péché pour Allah. J'ai déjà parlé de ce sujet, je ne vais pas me répéter. Et pour terminer, nous avons besoin, pas seulement de travailler, mes chers frères, mes chères sœurs, pas seulement de travailler un travail licite en toute évidence, mais aussi d'exceller, d'être un exemple, un modèle, une valeur ajoutée dans ce pays et partout où nous sommes, pour qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, digne de cette mission noble qui i'mar al-ard, khilafa fi al-ard. I'mar al-ard, la construction et non la destruction, être une valeur ajoutée positive et non au crochet de la société. Une petite anecdote avec laquelle je termine. Il y a longtemps, quand la civilisation musulmane était glorieuse, le pape de Rome disait « travail d'arabe ». Est-ce que vous savez ce que ça voulait dire à l'époque, il y a quelques siècles? Travail d'arabe voulait dire, mes chers frères, mes chères sœurs, à l'époque, travail d'orfèvre. Comme si on dit aujourd'hui une montre suisse ou une technologie allemande. À l'époque, on disait « travail d'arabe » et on payait les artisans arabes en leur poids or. « Biwaznihim zahaban ». Tellement on leur faisait confiance, tellement ils excellaient dans leur travail sans avoir besoin de contrôle. sans avoir besoin de contrôle. Aujourd'hui, quand on dit travail d'arabe, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. La faute à qui ? On doit faire notre examen de conscience et je prie Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'on puisse revenir à cette excellence qui a marqué notre civilisation, qui a été la marque distinctive de cette umma depuis l'avènement de cette belle religion. أطلب من الله تبارك وتعالى أن يرينا الهدى هدى ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اجعلنا من المتقين الذين يخشونك في السر والعلن الذين يخشونك في السر والعلن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعل لنا من لدنك هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واحد الأخت ديالنا توفي أبوها نطلب الله تبارك وتعالى له فسيح الجنان بجوار النبي العدنان عليه الصلاة والسلام وأن يرحم موتانا وأن يعافي ويشافي مرضانا اللهم يا أرحم الراحمين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين كالله فاس دنو دي تيموان إنو دي جوج كالله تبارك وتعالى نوزاد ريبريزنتي نوتر بيل ريليجيون بار لتر لو باراتر بار لو بون كومبورتمون بار لو بيل اجير بار لو سورير كالله تبارك وتعالى نوزاد ا ايدوكي نو زونفون بور كيل برين سيت هيريتاج دو فاسون اوتنتيك بور كالله تبارك وتعالى donne la paix à notre pays, la France, et la prospérité, et qu'il éclaire nos consciences avec la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, et notre raison avec la science venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il donne à cette humanité la paix durable et le bien vivre ensemble. Amin ya rabbal alamin. Allahumma وحد أمة سيدنا محمد اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين وحد صفوفها ويا أرحم الراحمين احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن ولاة الأمور الله يصلحهم يصلح على يدهم وارزقهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وإحنا وإياكم الله يرحم من علمنا يرحم مشايخنا ويرحم الله ويفضل علينا واجعلنا على هدي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا ومقالا واختم لنا بالخاتمة التي ختم بها لأنبيائه وأصفيائه وأوليائه وهذا وأكثر من الصلاة والتسليم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله